Oui, rattachement. Juste pour se présenter, donc Alain Carreau, je suis responsable du service des collections vidéo de la Bibliothèque nationale de France. La BNF est, comme vous le savez probablement, en charge de la collecte et du traitement du dépôt légal des vidéogrammes depuis 1975. Et en parallèle à ce qu'on appelle dans notre jargon le dépôt légal courant, c'est-à-dire la réception, la collecte, le traitement des vidéogrammes produits aujourd'hui, de ceux qui sont mis en circulation chaque jour, nous menons aussi depuis plusieurs années un travail de loin en loin, et que peut-être ce séminaire va aussi permettre d'intensifier, qui vise à combler les lacunes dans nos collections constatées pour les années 1970-1980, lacunes liées à la fois à la mise en place progressive d'une organisation de la collecte après la loi. Passer d'une loi à son application nécessite des années. Et puis également, en raison, on y reviendra peut-être, d'une résistance importante au dépôt légal à l'époque. La Bibliothèque nationale de France a mis en place un important plan de numérisation de ses collections dès les années 1999-2000. Et c'est en s'appuyant sur ses capacités de numérisation aussi qu'il a été possible d'entamer ce travail de collecte rétrospective de bandes vidéo devenues obsolètes afin de les sauvegarder. Il se trouve que parallèlement, je suis chercheur en histoire du cinéma, plus spécialisé sur le cinéma des premiers temps, donc une période a priori fort éloignée de celle qui nous intéresse. Mais précisément, sans que j'en sois seul responsable, le séminaire s'appelle « Vidéo des premiers temps » et c'est que nous pensons qu'il peut y avoir quelques points de convergence ou d'inspiration, en tout cas, dans ce champ de l'histoire du cinéma des premiers temps. Sébastien Layer.